la terre, courir l'aventure, chercher de l'or. On peut quitter sa patrie pour faire tourner sa vie. Il nous faut l'amour d'abord. Amour, on t'aime mieux que nous-mêmes, mieux que l'argent, la politique et les chansons. Et quand bien même tu nous enchaînes, on n'a que vivre à ta misère d'un papillon. On peut croire au fantastique, à mes deux coups éclatiques. Pensez au ciné ou Travolta. On peut faire de la vitesse, du yoga ou du business. Sans amour, ce n'est pas ça. Amour, on t'aime malgré nous-mêmes. Tu nous balances comme des voiliers aux quatre vents. Mieux